Quand il y a des collisions de tonnerre, c'est parce qu'il doit avoir des collisions de tonnerre. C'est pas d'imperfection. Tu me sens quand tu disais que celui qui était le créateur de notre univers, c'était Lucifer, puis que c'était justement imparfait, qu'on était dans un monde. C'était quoi? J'ai déjà dit à un moment donné que. On n'était pas encore dans la perfection, on était encore dans les états d'évolution. Le cosmos était en évolution. Le cosmos était en évolution, mais la mécanique du cosmos est parfaite. Quand on parle de la perfection du cosmos, on parle d'augmenter le niveau vibratoire des mondes qui ont été créés. Mais la mécanique du cosmos est parfaite. Changer la vibration d'un atome par l'énergie que possède l'esprit de l'homme, c'est augmenter la perfection du cosmos. Mais l'atome est déjà parfait dans sa constitution. Ça fait partie du processus de création. Mais de bas en haut, du haut en haut, à l'échelle de l'homme. Ce qui donne la civilisation orgueule, la civilisation réelle, la grande civilisation. À quelques reprises, Bernard, tu as parlé qu'on devait tendre et devenir des créateurs. Est-ce que vous pourriez discourir là-dessus quelques minutes? L'homme deviendra créateur. Parce que l'homme aura le pouvoir de l'âme en lui. Et se servira de l'énergie de l'âme pour créer. Ça fait partie de l'évolution. Il y a rien à discourir sur ça. Je voulais te demander si tu peux autoriser le doublage des cassettes de la conférence de dimanche passé à Joliette. Le doublage? Le doublage pour distribuer à ceux qui ont suivi un itinéraire, par exemple, ou dans le cadre de suivi de cette question-là. Bon. Je vais te donner une réponse dans 2 semaines. Tu es capable d'attendre 2 semaines? Dans 2 semaines, on te donne une réponse. Il serait agréable de les réécouter. J'en manque pas. D'ailleurs, c'est des belles conférences. Je pense pas que c'était la meilleure. Ouais. C'est surprenant. Toujours la meilleure. C'est sur la roue. Celle d'avant, il faut faire par comparaison. Celle d'avant, tu parlais du père psychologique. À la fin de la conférence, j'avais l'impression que tu tuais le temps. Que je tuais le temps. Peut-être parce qu'il n'y avait pas rien de trop à dire ou tu avais le temps. Répéter et redire les choses différemment que d'habitude. J'ai l'impression que c'est peut-être pas une chose agréable, puisque c'est capable de le faire. D'ailleurs, j'ai pas trouvé les mêmes vibrations. Mais je vais donner une réponse sur les gens. C'est bien important l'affaire d'objectivité de conscience. Bien important. Parce qu'il dit que lorsqu'on comprend ça puis qu'on vit ça, c'est là qu'on s'aperçoit c'est là qu'on s'aperçoit que les gens qu'on connaît sont grands. Sont grands. Là, vous appelez ça être beau. Les gens sont grands. Ça serait pas ça, l'amour cosmique, l'amour universel? Tu peux pas avoir d'université.